artiste et le choc. 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Sébastien F. Gertin sera là pour nous, pour sa chronique éditoriale, oui, ou son bulletin Gertin, hein. Et Myriam Lortie nous parlera du plus récent numéro de Journal Zone Campus. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 14 octobre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Je me suis remis de mon émission d'hier que tu as animée seule. Tu te souviens? Ah oui, c'est vrai, tu t'en es finalement rendu compte. Oui, c'est ça, mais je trouve que tu as fait quand même du bon travail. Ah, merci. Malgré tout. Ouais. Allez écouter la balado-diffusion sur assemblagerequis.com. Vous me direz si je fais bien de continuer de co-animer avec toi aujourd'hui. Donc, passe une belle fin de semaine de 3 jours. Oui. En fait, de 4 si tu comptes le fait que vendredi n'a pas d'émission. Ah oui, c'est vrai, vendredi, samedi, dimanche. Oui, ça s'est super bien passé. Oui. Je sais pas si t'es au courant, c'était ma fête. Oui, mais on m'a dit que c'était ta fête. On m'a dit ça pendant à peu près un mois et demi avant. Donc, j'ai fini par le retenir. T'étais pas mon chum hier. Je pense qu'au demi-heure, lui était dans la chambre d'ordi où je regardais la TV. Je dis, hey, c'est encore ma fête. Oui, bonne fête, Stéphanie. Bonne fête. Bonne fête, ouais. Il dit, mets ton alarme là, à 11h59 pour être sûr de ne pas manquer ta dernière chance. Donc, c'est ça, c'était la fête de Stéphanie hier. C'est ça, c'est lundi le 13. Ouais, c'est pas mal ça. Pas mal ça. Rien d'autre à raconter. Rien à dire de plus. Non. Donc, bon retour à vous. Bon retour en direct à cette émission matinale en pièces détachées. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir la chronique de Myriam Lortie à 8h30, la chronique Zone Campus. Mm-hmm. Mm-hmm. Ta chronique à toi, sa plus simple expression, elle est là à 9h. Oui, mm-hmm. Puis je pense que j'ai choisi le thème. Ah oui? Mais ouais. Pas de spoiler. Non, pas tout. Avant ça, on va faire C'est un fait dans une demi-heure environ. Et au tout début de l'émission, juste là, il est devant moi, c'est Sébastien F. Gertin. Bonjour. Salut, ça va? Ben oui, vous autres? Oui. Tellement. Toi, ton congé de 3-4 jours, peu importe? Ben de la job. Ouais. On n'a pas de repos pour les guerriers. Hein, c'est... Non, c'est ça. C'est ça. Mi-session, pitoute. Ben oui, pitoute. Ouais. Mais bon, gars, on va faire avec. Hein. On va réussir à s'en sortir. On va faire ta chronique éditoriale que moi, j'ai comme un petit surnom, mais tu sais, c'est rien d'officiel, puis tu sais, je te force pas. C'est le bulletin Gertin. C'est fait avec le sujet de cette semaine, en tout cas. Genre, on va s'arrêter là avant de donner des spoilers, justement. Là, mais... Allons-y. Est-ce qu'on parlerait d'éducation là-dedans ou quelque chose du genre, hein? Ben oui, tu sais, sujet qui revient jamais dans ma chronique. Ouais, c'est ça, cette semaine, j'ai décidé de parler de... Je me disais, la limite de... À date où le journal sortait cette semaine, on n'est pas loin de la limite d'abandon sans échec. Mm-hmm. Sans échec, qui est d'ailleurs un F, comme dans Sébastien F. Gertin. Donc, t'es un petit peu Sébastien Échec Gertin, si on le regarde comme ça. C'est pas E, échec. Ah, ça dépend des places, hein. C'est ça, il y en a, c'est des ça, fails. Ouais, c'est ça, raison. C'est que t'as comme... T'as ouais, des notes. C'est ça, F, c'est fail. Je pense que ça serait à D, puis après ça, t'as... En tout cas. Bref, hein? Bref. J'ai-tu fait sortir ton sujet peut-être un petit peu? Un petit peu. Puis je suis pas dur à perturber, mais attends. J'ai jamais eu ça, des E, des F. Non? Ben non. C'est pas ce que c'est. Ben non. Fait que, ouais, non, c'est ça. C'est prochainement, on va pouvoir... ça va être la limite qu'on va pouvoir abandonner un cours sans le pocher, en termes communs. Oui. Moi, ça, c'est sans le pocher sur papier, on s'entend. Ouais, c'est ça. Je l'ai pris à miroir, mes échecs. Badaboum. Parce que dans le miroir, je me regarde puis je suis un échec. C'est ça que, ah, c'est ça que je veux dire. Oh, mais voyons, je pensais pas que ça irait là. Ça devient dark un peu. c'est bon. Comme le ciel le matin. Mais bon. Fait que. Ouais. On était là. Ah, c'est dur à suivre. Hey, c'est dur à mettre. Ah, ben, vous m'aidez pas. On est de retour d'un congé, là, fait qu'on est un petit peu pas tout à fait là. On est tout un peu ramassé. Ouais. On a regretté de ne pas avoir tout abandonné nos cours. C'est ça. Bref, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on abandonne des cours? C'est ça la question que je me suis posée. On n'est pas bon, on l'aime pas. Ouais, c'est, ben, je sais pas. Peut-être qu'on a vraiment poché jusque-là. On se dit, tant qu'à continuer, je vais recommencer, puis ça paraîtra pas nulle part. Et le sondage donne! Ding, ding, ding, ding, ding. Ça, c'est à la guerre des clans. Est-ce que les réponses, ce serait des bonnes réponses? Sinon, peut-être que tu voulais un emploi étudiant à temps plein,

The Bar Brothers, la pièce Half Crazy à Assemblage Requis. On prend une petite pause au retour. On fait C'est un fait. Parfait. Parfait, t'as dit? Oui. Parfait? Parfait. C'est un jeu de mots, mais pas vraiment. Ouais. Fais comme si, fais comme si. Ouais, ouais, ouais. Fou de diversité. C'est Fou 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui. Dans quelques instants, tantôt, en fait, on va faire C'est un fait, on a ça. C'est vrai? Oui. Je l'ai dit tantôt. Mais avant ça, on a Chantone Rioux aujourd'hui. Oh, tout ouais, ouais, c'est ça. Sérieux? Comme, switcher la semaine, tout ça, je l'ai oublié. On s'en va entendre donc un extrait de Canaille. Steph, peux-tu me dire, s'il te plaît, quel est l'extrait de Canaille, toi qui es si savante? Ben oui, écoute, je vais y aller de mémoire et c'est Texas, si je ne me trompe pas. Tu ne te trompes pas et elle commence à jouer à l'instant. C'est un bel hasard. Tabarouette! Tabarouette! Amen, tabarouette! Ça faisait canaille, je trouve, barouette! Remplis la boîte! Et autre parole qui rimerait en être. Pas pire. J'étais bien fier avec mon baluchon au chaud de Hunky Bay. Je buvais ma bière, sa rue maçon, juste avant de décoller. Je me suis rendu dans les brumes pour aller chercher le barbu qui venait jouer. Je l'ai retrouvé, les yeux vitreux, avec un sourire tatoué. Je m'en viens te chercher, c'est presque l'heure qu'on parte. Punk par le bras, il me dit, toi suis-moi, on va fumer un bat. Je l'ai laissé aller fumer en me disant, pauvre dame, si tu sens trop la boucane, ben tu passeras pas aux douanes. J'ai continué à me pavaner avec mon baluchon. Je regardais l'heure, c'était presque l'heure, mais il est où notre champion? J'ai vu rentrer un peu plus salopé et puis il sentait fort. Juste un départ qui me dit ok, mais à faire un choc de fort. De scotch, la photo était pas pire. Moi, l'après, c'est lui qui sentait le botch, mais là, fallait partir. Si la White Dan ramasse tes affaires, faut passer les douanes, pis là, t'es vert. Dis, t'as raison, faut pas manquer l'avion, mais avant, je passe à la maison. Dis, ok, man, là, je suis pas, faut que je sois responsable. Il me dit, fuck son chanson est là-bas, pis il part avec le cab. Pour une dernière fois, un peu croche mais pas peu fier. Je me vante un peu de partir là-bas en finissant les bières. Quand soudain y'a ma gueule qui tombe en plus d'être en retard. Je revire le bord, je fais lever tout le monde, mon passeport y est nulle part. J'appelle Dan, je stocke mon sac, il me dit je l'ai peut-être avec moi. Mais là faut que je te lâche, je vais te péter mon chat, je pensais que j'avais plus mes clés. Je suis reparti vers l'aéroport, plus fier, plus de baluchon. En me disant qu'avec un peu de luck, j'embarquerais dans l'avion. Quand soudain arrive dans tout propre avec son stock pis l'air fier, j'ai tout mon sac, il me dit hey le père, c'est pas à moi de traîner tes affaires. On dormir dans l'avion. Ah ouais, un autre dernier verre, on n'a pas le temps, mais qu'est-ce que tu veux faire?

Debbie Tabs featuring Mr. Valère et la pièce Up à Assemblage Rookie. Vous savez, d'habitude, les lundis, on apprend des choses dans C'est un fait. On n'avait pas l'émission hier, lundi. Là, on n'a rien appris. On n'a rien appris. C'est un manque flagrant. On ne veut pas avoir un échec dans notre matière grise. Hein? On ne veut pas avoir un échec dans notre matière grise. Mais non. C'est quand même une belle phrase. Et donc, voici C'est un fait. Moi, moyen. Moyenne phrase. Des choses que tu sais pas. Des choses que je sais pas. C'est un fait. Ah, on commence. Deuxième couplet. Des choses que tu sais pas. Des choses que je sais pas. C'est un fait. C'est un fait. Hey, on s'en est sorti. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables, vérifiables, selon Internet, bien sûr. Oui. Évidemment. Commençons avec une famille qui était complètement bleue. Hein? Un bleu, dabadi, badouda, boudaboudi, les Schtroumpfs? C'est les Schtroumpfs, exactement. Le donc, Blue Man Group? C'est l'histoire du Schtroumpfman Group. Oh. Non, c'est Benjamin Benji Stacy, qui est né en 1975 en Kentucky, avec une peau aussi bleue que le lac Louise. J'imagine que c'est un lac qui était bleu, j'imagine. J'imagine, hein? Donc, il était amené d'urgence à l'Université du Kentucky Medical Center, où une transfusion était préparée. Il s'est aussi fait dire que son arrière-grand-mère, Luna Fugate, était aussi complètement bleue, la femme la plus bleue qu'ils avaient jamais vue. Rien. Ouais, ben finalement, on a découvert avec le temps que la famille au complet venait des Appalaches isolés, donc vraiment une partie profonde du pays. Et la famille au complet était bleue. Les Fugate qui ont une condition génétique qui s'appelle la métamoglobinémie, s'est propagée via le mariage interfamilial à l'intérieur de la même famille. Donc, ça veut dire que l'hémoglobine était capable de transporter l'oxygène et ça fait que c'est aussi difficile pour l'hémoglobine qui n'est pas affectée de relâcher l'oxygène de façon efficace jusqu'aux aux différentes parties du corps. Donc, les lèvres des patients sont mauves, leur peau a l'air bleue et leur sang est couleur chocolat parce qu'il manque d'oxygène. C'est fou, hein? Donc, les Fugate qui avaient marié d'autres Fugate, particulièrement des cousins, et des familles qui vivaient dans le même coin avec des noms comme Combs, Smith, Richie et Stacy. La plupart des Fugate bleus n'ont jamais eu de problème de santé autre que ça et ont vécu jusque dans leurs 80 et 90 ans. Ah ouais, puis ils pouvaient vivre avec ça sans problème. Fascinant. Fascinant. I'm blue, dabberdy, badouda. Je serais vraiment très curieuse de voir leur teint. Va voir sur assemblagerequis.com, il y a une petite photo. Ah oui, t'as une photo? Ça m'a l'air d'être une peinture, je vais aller voir juste Fugate Family sur Google Images, s'il y en a des plus réalistes que ça. Faites la même chose, c'est F-U-G-A-T-E, F-U-G-A-T-E, la famille Fugate. On devrait les engager comme mascotte, les c'est Fugate à la place, c'est pas bon. Les chances de survivre après une réanimation cardiaque ne sont pas aussi élevées qu'on le croit à cause des émissions de télé. Ah? C'est un mythe, Stéphanie. Dans toutes les émissions de télé, on sait, il y a un patient qui arrive, on lui fait la réanimation CPR, bouche à bouche, pam, pam, pam, pam, c'est fait, c'est réveillé, la personne survit à ça. Mais c'est effectivement très, très rare qu'on survit à ça. OK. Le docteur David Newman dit qu'après des deux décennies de pratique de la médecine d'urgence, il se souvient littéralement de chaque patient qui est sorti de l'hôpital après avoir reçu la réanimation par CPR. Okay. Donc, contrairement à la croyance populaire, le nombre de gens est en fait extrêmement petit. La résuscitation cardio-pulmonaire a été introduite ou présentée au docteur américain dans les années 1960. Et depuis, c'est devenu une procédure très utilisée dans la médecine d'urgence. Selon The American, plus de 14 millions de personnes dans 60 pays ont été entraînées, ont reçu une formation de CPR entre 2011 et 2012. C'est quoi en français, réanimation? Il y a des lettres pour ça en français. Là. C'est RCR, c'est ça. Donc, entre 2011 et 2012, 14 millions de personnes dans 60 pays qui ont reçu cette formation-là. Les études nous montrent que environ seulement 2% des adultes qui vont s'évanouir, qui vont recevoir le RCR, vont s'en remettre complètement. On parle de 2%. OK, c'est pas adultes. Beaucoup. Vraiment pas. Donc, la télévision a créé un mythe autour de ça, ce qui a créé des attentes vraiment irréalistes chez le public. En fait, dans 97 épisodes de Salle d'urgence, ER avec George Clooney, Chicago Hope et Rescue 911, 75% des patients survivaient à un arrêt cardiaque. Et deux tiers ont été renvoyés à la maison, ont reçu leur congé, etc., sans aucun effet secondaire après avoir reçu la RCA dans les émissions de télé. 75% de ces séries. C'est un petit peu irréaliste. Ah, ben c'est bon à savoir. Exact, arrêtez de mettre la barre aussi haute et de penser que ça va tout de suite. Ben c'est un peu le même principe que une voiture qui rentre dans un mur, qui explose, ou mm-hmm. si tu lances, si tu tires avec un fusil sur un bidon d'essence, ça va exploser. Ouais. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. C'est des effets spéciaux. C'est ça. Mm-hmm. Les effets spéciaux ne te protégeront jamais contre les microbes. Hein? Il va falloir du savon pour les mains. Okay. Ça marche, il n'y a aucune transition à faire avec ça, donc c'est ce que j'ai fait. En août 1865, William Shepard a découvert qu'on qu'il pouvait mélanger du savon en barre, un pain de savon, avec des, d'autres liquides, en fait, pour créer du savon avec la consistance de la mélasse. Okay? Donc, la mélasse? De la mélasse. La mélasse. La mélasse. C'est ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit du tout. La mélasse. Donc, on trouvait ça dans des endroits publics à l'époque, mais c'était pas un succès à la maison. Donc, dans le sens, dans les maisons des gens, on n'avait pas ce savon à la mélasse, si on veut. Donc, en 1980, Robert R. Taylor voulait vendre son invention qu'il avait nommée Soft Soap. Via sa compagnie à lui. Il a eu l'idée de mettre ce savon-là dans une petite bouteille avec une pompe manuelle pour que les gens puissent vraiment s'en servir à la maison plus facilement. Mais il savait que les autres allaient le copier. Donc, il a choisi d'éliminer la compétition en achetant personnellement 100 millions de petites bouteilles à main, donc des bouteilles manuelles, pour que ses compétiteurs ne soient pas capables d'en acheter pendant un an. Et ça a fonctionné. Hein? En 6 mois, il avait établi la marque de commerce Soft Soap et avait vendu pour 25 millions de dollars. Wow! C'est quelque chose, ça a fonctionné, c'est d'acheter la compétition. Ah ben, tabarouette! C'est du génie. Fascinant. Un petit arbre grandissait, poussait à l'intérieur du corps d'une personne qu'on pensait atteindre un cancer. Ah! En 2009, les docteurs russes ont opéré à Artyom Sidorkin pour enlever ce qu'ils pensaient être une tumeur dans son poumon. Lorsqu'ils l'ont ouvert, ils ont été surpris de découvrir un petit arbre qui poussait à l'intérieur. Les docteurs ont comme théorie que l'homme avait avalé une graine qui éventuellement avait créé un arbre qui avait poussé à l'intérieur de lui. Les branches ont commencé à lui faire saigner, à lui faire cracher du sang, pardon, parce que ça perçait ses... Mais voyons donc! Ses poumons, c'est quelque chose. Ça veut dire que si j'avale, par exemple, de la pâte à biscuits, puis que je vais à chaleur, ça va comme... gonfler puis faire des biscuits. Puis... des biscuits. Il va falloir que je me fasse opérer pour me faire enlever une tumeur de biscuits. Fais-toi pas opérer, fais juste... Le digérer. Le digérer. Ouais, mais c'est parce que si c'est ça tombe dans mes poumons. Ah. Comme l'arbre. Tu penses à tout, ça va faire. On va terminer avec Frank Sinatra qui s'est fait offrir le rôle principal dans Die Hard. Tu connais Die Hard? Ouais, oui. Le gros film avec Bruce Willis. Le gros film. Le gros blockbuster avec Bruce Willis. Ouais, ouais. Frank Sinatra s'est fait offrir le rôle principal dans ce film qui allait devenir Die Hard plus tard. En fait, au début de sa carrière, Frank Sinatra était surtout dans des films où il devait chanter. Il a réussi, par contre, à sortir de ce carcan-là. Il s'est fait un nom en tant qu'acteur seulement. Il a même gagné des Academy Awards, des Oscars et des Golden Globes. Ah, je savais pas ça. C'est vrai. Donc, comment est-ce que Frank a été considéré pour ce rôle-là? Ça a commencé avec un auteur nommé Roderick Thorpe. En fait, les films de Die Hard sont basés sur un livre nommé « Nothing Lasts Forever » par M. Thorpe, qui a été édité en 1979. OK. Tu me suis jusque-là? Oui. « Nothing Lasts Forever » était en fait une suite à un livre nommé « The Detective », édité en 1966. Et ils ont fait un film du même nom en 1968. Et le film mettait en vedette, attention, Frank Sinatra, dans le rôle du personnage principal, le détective Joe Leland. Le livre était un énorme succès, restant sur la liste des best-sellers pendant un bon bout de temps. Ça a fait de Thorpe une vedette. Le film a aussi été un succès au box-office. On le décrivait comme vraiment sombre pour l'époque. Il y avait des questions d'homosexualité là-dedans. Mais c'était beaucoup moins centré sur l'action que le film de Die Hard qu'on connaît aujourd'hui. Die Hard lui-même n'a pas été choisi par les producteurs avant 1988, donc pour faire un film. Okay. Ça, c'est presque 10 ans après la sortie du livre. Étant donné que le film était techniquement une suite de l'autre, il n'y avait pas le choix de l'offrir à Frank Sinatra. C'était dans son contrat. OK, s'il oui. S'il y a une suite, il doit être considéré. Il avait 73 ans à l'époque et il a refusé de faire le film. Ouais. Quand Sinatra a refusé l'offre, le rôle a été offert à Arnold Schwarzenegger et le film a été vendu comme étant une suite du film Commando de 1985 et non pas une suite de The Detective. Ah ouais! Okay? Donc Schwarzenegger a aussi refusé l'offre et à la place, on a choisi Bruce Willis dans le rôle. Le personnage a été renommé, c'était plus Joe Leland comme dans les livres et le film de détective, c'était plutôt John McClane. Willis n'était pas le genre de personne que le studio voulait pour le rôle. À ce moment-là, il était surtout connu pour ses comédies, mais il y avait tellement Bruce eu de refus. Willis? Bruce Swiss. C'était plus connu pour ses comédies à l'époque. Mon Dieu, en quelle année? Il a fait quoi comme comédie? Dans les années 80, Bruce Willis. On va aller voir ça, ça m'intéresse moi aussi, en fait. On dirait que ça fait trop longtemps, là. C'est ça. Attends un petit peu. Donc, dans les années 80, il a tellement fait de films, par contre, que je ne sais pas si on va devoir retourner vraiment très, très loin. Il a fait Deux flics à Miami. OK, ça, c'est une émission de télé. Ah, je suis sur la version française. Oh non, il y a Boire et déboire. Ah, ouais! La cinquième dimension. De plein fouet. Tous des films qui j'imagine, ont un nom en anglais. Mais bon. C'est The First Deadly Sin qu'il a fait en 1980. Et puis, Deux flics à Miami, c'était la série... connue américaine, Miami Vice. Savais-tu qu'en français, c'était Deux flics à Miami? Oui. Moi, je savais pas ça. Bref, on va revenir à Bruce Willis. Il faut terminer éventuellement. Donc, le film a été un succès énorme avec un budget de seulement 28 millions. Le film a fait 140 millions lors de sa sortie au cinéma. C'est environ 268 millions de dollars en argent d'aujourd'hui. Mm-hmm. Il a mérité 4 nominations aux Academy Awards et a été bien reçu par la critique. On parle du film. La franchise Die Hard qui existe au jour aujourd'hui, même si son écrivain d'origine et le personnage principal, le gars qui jouait le personnage principal, sont tous les deux décédés. On sait que Sinatra est mort en 98 à l'âge de 82 ans, alors que Thorpe est mort en 99 à l'âge de 62. Voilà. C'est tout pour cet affaire. Au retour de la pause, ce sera la chronique Zone Campus avec Myriam Lortie. Mm-hmm. Bien évidemment, comme on le fait tous les mardis aux deux semaines, pour parler du plus récent numéro, mais pour l'instant, une légère pause. C'est vrai que c'est léger. C'est très léger. Restez. Fou de culture. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours à Assemblage requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Personne en studio embarque dans les clap-clap et les sif-sif clap-clap. On dirait que tout le monde est comme super fatigué en ce mardi matin de retour de congé. On est focus, là. Focus sur le contenu. Ah oh, oui! C'est Myriam Lortie qu'on accueille avec sa chronique Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Pas le temps de niaiser. On parle de Zone Campus, le journal des étudiants de l'UQTR. Bon matin, bon matin. Assemblage requis. Comment allez-vous? C'est Myriam Lortie. Moi, ça va bien. Stéphanie, ça va? Oui. Myriam? Un petit rhume, mais ça va bien. Oh! Okay. C'est le triangle du comment ça va ce matin. Tout à fait. Donc, on parle du plus récent numéro qui est en kiosque à partir d'aujourd'hui. En fait, tellement à chaque chronique qu'il est fraîchement sorti qu'on l'a même pas encore physiquement ben reçu. Oui, mais on travaille avec des PDF. On gaspille du papier. Ça peut pas être plus frais que ça. De toute façon, on dit qu'on gaspille du papier genre dans l'imprimante pour imprimer le journal, mais après ça, on imprime un journal à genre 3000, 4000 copies. Bref, le journal en ce moment, c'est le Festival international de la poésie et... Qui s'est terminé. Qui s'est terminé dimanche. Et le A Festival de poésie. Parlons-en. Ben oui, tout à fait. Dans le fond, la ville, pendant deux semaines de Trois-Rivières, devient poète ici. Puis il y a même des étudiants, particulièrement un étudiant qui a participé pour la première fois à la première... pour la première fois à la programmation officielle, il y a eu il a participé souvent au Off Festival, mais donc on a quand même couvert pas mal le Off et le festival, principalement le Off, je dirais. Ouais, c'est plus alternatif un petit peu, moins couvert par les autres médias. En fait, je dirais presque pas couvert par les autres médias. Le Off, tout à fait. Ouais. Donc, on en parle. Il y a beaucoup d'articles, en fait, non seulement en page 3, qui est la page de la une, mais aussi en art et spectacle, beaucoup. Donc, on va y revenir avec le temps. Revenons donc en actualité avec le coup d'envoi des travaux pour le campus de Drummondville. Oui, on se rappellera que c'était la une du dernier numéro, mais là, la nouveauté, c'est que vraiment, il y a eu la première pelletée de terre. Donc, c'est vraiment, on commence les travaux. Après avoir eu toutes les approbations possibles, ils ont fait la petite cérémonie. Donc, c'est vraiment vrai. Oui, c'est concret. Oui. C'est vrai, c'est legit, comme disent les jeunes. Les conservatoires de Trois-Rivières, en fait, le conservatoire de Trois-Rivières, à la mobilisation citoyenne qui a eu lieu, aura porté fruit. Oui, ça, c'est Laurent qui nous fait un petit résumé de ce qui s'est passé par rapport au conservatoire, mais aussi il fait un rappel avec la section de musique qu'il y avait à l'UQTR et qui s'est éteinte... principalement par manque d'inscription, finalement. Oui. Donc, bel article à lire. Ouais. Pour comprendre tout ce qui s'est passé. Tout à fait. Le Colisée Trois-Rivières, le CERAS, on en parlait dans les dernières semaines ici à l'émission. Le suivi se fait dans le Zone Campus aussi. Qu'est-ce que CERAS, comme on dit. Whatever will be, will be. Pas toujours au point mort pour le CERAS. Oui, ben un peu comme l'article précédent. Là, finalement, c'est Alice qui fait un résumé de où est-ce qu'on en est. Sauf que moi, j'ai appris dans cet article-là, je savais pas que si le CERAS appartenait pas à l'UQTR, l'UQTR a quand même un autre projet, un plan B qui voudrait quand même avoir un bâtiment pour la recherche comme... et vouer le CERAS. Donc, il va y avoir quelque chose, même s'il n'y a pas le CERAS, on s'en sortira pas de même. Exactement. Parfait. C'est ce que la rectrice nous dit. Oui. Un discours de la rentrée sous le signe de l'excellence. D'ailleurs, la rectrice, dans le fond, elle a fait un discours de la rentrée à la fin septembre, c'était plus la rentrée, mais bon. Oui, non, c'est ça, c'est un peu tard. Mais présenter aussi toutes ces... Puis, d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a comme une section là, sur le site de l'UQTR où est-ce qu'on peut aller voir, il y a plein de documents de où est-ce que l'université s'en va avec PDF, son plan, PowerPoint, son plan stratégique d'ici 2020. Fait que, il y en a qui s'intéressent de savoir tout ça. Puis, entre autres, ce qu'elle dit d'ici 2020, bon, c'est ça. Elle aimerait ça atteindre les 20 000 étudiants, obtenir 20 chaires de recherche gouvernementale, un partenariat financier visant les 20 millions. Un budget de fonctionnement de 200 millions devrait être atteint par l'identification de nouvelles sources de revenus. Et elle aimerait que la fondation de l'UQTR atteigne un record de 100 millions en dons cumulatifs. Donc, c'est projet d'ici 2020. On leur souhaite ça. Et elle porte fièrement le micro à la Britney Spears sur sa photo. Oui, donc. Des petites tapettes sûrement qu'elle a fait lors de son discours. L'éditorial de Sébastien Vigarton, on n'en parlera pas parce qu'il vient nous en parler l'heure. Sur l'éducation, entre autres. Et sur l'abandon des cours en milieu de session. Voilà. Donc, écoutez... Même si on paye pour. Oui. La balado-diffusion de l'émission d'aujourd'hui, c'était à 7h30. Ensuite, toujours à l'actualité, le CIPP, le Centre intégré en pâte et papier, le dossier est réglé. L'UQTR devient propriétaire de ça. Oui, bien ça, c'est la bâtisse, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est où le CIPP, comme en bas, là, super loin, proche du Michel Sarrazin. À côté des résidences. Oui, où est-ce qu'il y a l'université du troisième âge aussi, entre autres, là-dedans. Mm-hmm. Mais dans le fond, c'est que le bâtiment, ça fait un petit bout qui est là, mais là, dans le fond, l'UQTR a remboursé sa dette. Ah. Donc, il appartient désormais à l'UQTR, le super. Bâtiment. Équilibre budgétaire, l'université réussit son pari. Oui, bien dans le fond, ça fait écho, ça se dit ça? Aux articles qui avaient été écrits par Laurent Constantin dans le dernier numéro, entre autres, qui parlait de l'équilibre budgétaire. Il parlait qu'il y avait eu des coupures de 7,4 millions, sauf que là, à la suite de nouvelles informations, on comprend que c'est plutôt 3,2 millions et que l'UQTR a réussi, en coupant par-ci par-là, à atteindre cet équilibre-là et à retrouver, à rétablir l'équilibre. Sauf que, à noter que pour le budget 2015-2016, il va avoir encore plus de coupures. Donc, ça s'annonce... Ça va faire mal. Oui. Mm-hmm. Sur la recherche à l'UQTR, maintenant, c'est une chronique récurrente dans le journal. Donc, cette fois-ci, c'est... Quelle récure, elle lave bien. Comprendre le rôle du droit civil dans la société québécoise d'aujourd'hui. Oui, ben à chaque deux semaines. Hein? Chaque numéro, en fait. À chaque numéro, on a un petit segment sur la recherche. Et là, tenez-vous bien, le titre de l'homme est très long. C'est M. Thierry Newtons, qui est professeur en histoire sociale, méthodologie et histoire de la justice, en plus d'être titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire du droit civil au Québec à l'époque contemporaine, 19e et 20e siècle. Wow! Mais là, il s'intéresse plus particulièrement à la justice civile, c'est-à-dire à la façon dont les droits civils sont mis en œuvre dans les conflits. J'espère que vous n'êtes pas allergique au Newton. Allergique au Newton. Comprends-tu? Gluten. Gluten. Allergique au Newton. Ah! Oh! Intolérant. Ouais. Intolérant au Newton. Ce qui est vraiment cool, en plus, on parle de recherche à l'UQTR en haut, en bas, on parle de l'UQTR en tant que tel, qui est sa nouvelle application mobile. Oui, c'est une première au Québec. Première université à avoir son application mobile. Incroyable. L'information que nous avons eue. Ça sert à quoi? Ouais. Ben, principalement, là, on peut, dans le fond, ça va éviter l'impression de 25 000 répertoires de programmes. Donc, tous les... Ben oui, tu sauves du papier en le mettant sur l'application. C'est une bonne idée. Puis aussi, on peut télécharger, dans le fond, il y a 4 types de téléchargements qu'on peut faire, là, soit répertoire 2015, baccalauréat, là, répertoire programme court, répertoire formation continue, puis répertoire des cycles supérieurs. Et c'est disponible sur iOS et Android? US, je sais pas, je connais pas, mais c'est Apple. C'est ouais, c'est ça, Apple. C'est ça. Android et Apple, Mathieu. Okay. Et c'est marqué Apple dans l'article. Prends-moi pas au dépourvu. Non, c'est ça, parce que je me rappelle de l'avoir vu. Ça oui, oui. On saute par-dessus plein d'articles dans l'actualité. Pour vrai, il y en a vraiment plein d'autres. Mais allons en société pour parler de la chronique de Kevin Gaudreau, qui est entre les deux pôles. Ben oui, petite chronique psychologique. Donc, il nous parle de réflexion sur l'égocentrisme et l'affirmation. Égocentrisme, puis il fait aussi la différence entre égocentrique et... Là, c'est niaiseux, je me rappelle plus. Je vais vous lire son premier paragraphe. Le dictionnaire Larousse définit l'égocentrisme comme la tendance à ne considérer que son point de vue et ses intérêts propres. La définition ajoute une indissociation dans le raisonnement du point de vue propre et du point de vue d'autrui qui constitue la caractéristique essentielle de la pensée des enfants de 3 à 7 ans. Puisque ces définitions semblent attribuer un sens plutôt sombre à l'égocentrisme, il pourrait être tentant de croire que cela ne vous appartient pas et que l'égocentrisme, c'est pour les autres. C'est ça, c'est l'égoïsme, l'autre. L'égoïsme, c'est la différence entre les deux. Et de dire qu'il faut quand même s'affirmer, même si on ne veut pas être égocentré et penser juste à soi-même. Voilà. Tout est bizarre. Ensuite, c'est la chronique de Nicolas Gauthier. En philosophie, donc, il parle de la crise de l'éducation. Parlons d'éducation, voulez-vous? Ben oui, s'il te plaît, ben oui. C'est ça. Toujours. Prenons pour postulat de départ que le monde occidental subit une crise terrible. Il s'agit d'une crise imprécise, une crise latente, mais la décadence est là et le simple inconfort des préjudices de notre idiotie collective en est la preuve la plus forte. Il suffit de regarder Internet. On n'entend pas ton téléphone de toute façon, même si t'en parles, pour vrai. On n'entend pas vraiment. C'est parce que c'est mon cadran qui sonne. Faut que je me lève. T'es-tu levé? Est-ce que je suis levé? Oui, je suis levé. Ça va bien. On me confirme que t'es levé. Dieu, quel manque de... Et est-ce que t'es réveillé? Oui, je suis réveillée. OK, des fois, il y a une différence entre être levé et être réveillé. C'est parce qu'on n'a pas entendu mon cadran sonne dans mon cellulaire depuis tantôt pour que je me lève. Donc, levez-vous à la maison. C'est ça, s'il vous plaît. C'est l'heure de se lever, là. C'est, c'est une mission de service, notre émission. Hein? Change-le, parce que... On passe les alarmes en ondes. Donc, on est en train de parler de philosophie, la crise de l'éducation. On avait commencé un petit peu à lire ça, mais on va passer à un autre. Ensuite, donc, Normand Leclerc, « Changer la vie », c'est le nom de sa chronique. Oui. Donc, il dit que je suis persuadée que si je m'installais à la cafétéria un bon midi et que je posais cette question à des étudiants, pris au hasard, la majorité, sinon la totalité des interrogés s'empresseraient de répondre « Mais voyons donc, personne ne peut s'introduire dans mon cerveau et m'ordonner « Aujourd'hui, tu penses cela ». Et pourtant, quel est l'outil par excellence pour m'aider à penser clairement? Le langage, les mots. Que se produit-il si le langage a été colonisé par le pouvoir? N'est-ce pas une façon de m'empêcher d'être ce que je suis, un être humain rationnel dans le but de faire de moi un instrument docile? Et pour terminer les chroniques, c'est Fabrice Sonneke et Sheila Gaudreau avec Le Monde en question. Oui, si Dieu existe, ben eux, ça tourne souvent autour de la religion, mais ils apportent ça vraiment sur une touche universitaire, si je peux dire. Mm-hmm. Ça rejoint les étudiants. Donc, justement, afin de poursuivre sur la lancée des thèmes abordés précédemment, j'ai pensé aborder cette semaine la question suivante. Si Dieu existe, comme je le crois personnellement, pourquoi ne se manifeste-t-il pas plus ouvertement? Si Dieu existe, qu'il se montre clairement, qu'on en finisse. Mais c'est une belle réflexion pour vrai. C'est des questions qu'on peut se poser, mais que des fois, on... C'est pas un sujet le plus prisé par les universitaires, mais... Pas tout à fait. J'avais menti en disant que c'était terminé. Non, c'était pour vous garder un punch pour comme vous impressionner à la fin, parce qu'on finit avec Jean-François Veilleux et je me souviens au pouvoir citoyen. Oui, à mort le franglais. Donc, l'université est un lieu d'apprentissage où doit s'élaborer une pensée critique, mais aussi l'épanouissement et le perfectionnement de la langue, l'usage de la majorité, le français. En dehors de la controverse liée à l'ajout d'un nouveau cours en anglais à l'UQTR, voici une réflexion sur le débat entourant l'usage d'une nouvelle tendance détestable, le parler bilingue français. Puis entre autres, il dit que tant qu'à utiliser des mots en anglais, aussi bien utiliser des mots en joual. Puis là, il nous fait toute une espèce de... Vraiment un... Une liste. Une liste, mais un lexique, là, tu oui, sais, A à Z, là, c'est ça, en ordre alphabétique, de tout plein de mots qu'on peut utiliser, puis que... Des fois, c'est drôle. C'est des mots qu'on entend. Cornifler, des trucs comme ça. Tout ça. Et voilà. C'est super intéressant. On passe en art et spectacle avec le groupe Random Recipe qui a fait vibrer la chasse-galerie lors de la première soirée cachée 2014-2015. Ben tout à fait. Dans le fond, c'est Dave qui nous fait vivre cette soirée à travers. Qui nous donne les ingrédients de cette recette. Tout à fait. Il y avait à peu près une centaine d'étudiants pour cette première soirée cachée de 2014-2015. Pas à vie, là. Non, mais non. Voilà. Première de l'année, c'est la quatrième année, en fait, des soirées cachées. Soirées cachées pour les nouveaux étudiants, c'est une soirée, on sait c'est quand la date, mais on sait la journée même quel va être le groupe et le lieu. On sait à 8h30, ici même à Assemblage Requis, en fait, c'est annoncé pour la première fois sur nos ondes. Évidemment, hein, c'est les soirées cachées, c'est fou, on peut annoncer ça pour la première fois dans le journal, Zone Campus de... Pff, hey, hein? Voilà. Spectacle, c'est une blague. Spectacle de Clément Jacques au Nord-Ouest Café, en fait. Mais oui, je sais pas. Connaissez-vous Clément Jacques? Un peu, on joue sur un palmarès, pas tant que ça, mais un peu. Mais en spectacle, c'est quelqu'un de particulier, je dirais. Hein? Et Caroline nous fait part de cette expérience particulière qu'elle a vécue. En fait, ben c'est ça, il y avait pas beaucoup de monde, donc c'était un spectacle quand même assez intime, ouais. Mais il a fait présenter chacune des personnes dans le public. Puis il a ajusté sa liste en fonction des goûts personnels des gens qui étaient là. Okay. Donc, c'est ça. Il a fait se présenter les gens dans la salle? Oui, oui, un par un. Ah, c'est gênant, ça. Une chance que je suis pas allé là. Une chance que t'es pas allé là. Mais donc, oui, c'est un compte-rendu de cette expérience. Donc, c'est l'expérience Clément Jacques, son titre. Je crois que c'était bien choisi. En effet, ça a l'air assez particulier, tout ça. Restons en arrêt-spectacle. Continuons avec Gatien Lapointe, homme de passion. C'est une exposition à la bibliothèque. Gatien Lapointe? Non. Mais moi non plus, je le savais pas. Avant de lire cet article, puis j'ai découvert quelqu'un justement, ben, de te dire un peu qui c'est. Mm-hmm. Grandement reconnu dans la littérature québécoise, Gatien Lapointe est également l'un des premiers professeurs à être embauché à l'ouverture de l'Université du Québec à Trois-Rivières en 1969. Les rapports au corps, au territoire et à l'écriture dans la vie intime et professionnelle de l'artiste et poète Lapointe sont présentés dans cette exposition-là. Et donc, c'est ça. Peut-être suis-je inculte, mais je ne le connaissais pas. Puis c'est entre autres aussi présenté dans le cadre du Festival de la poésie. Ouais. On peut pas tout connaître. Hein? C'est pas une question d'être inculte. Non, mais on peut lire le Zone Campus pour en apprendre davantage. Et que tu fais bien ça. Dans les lunettes du frisé, c'est la chronique de Félix-Antoine Desilets-Rousseau. Cette fois-ci, c'est « On se lance du curé ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est intriguant. Oui, hein? Ça donne envie de le lire. Ça donne envie. Mais en fait, il fait un parallèle entre justement le Off Festival puis le Festival de poésie. Pour lui, les curés, c'est ceux qui font juste aller... je ne sais pas si tu es déjà allé dans une soirée de poésie. Ouais. Mais ils lisent leurs textes de façon quand même assez... solennelle. Monotone, comme ouais. un curé. Ouais. Et donc, lui, il se lasse des curés. Boring. Puis il... Ben, bref, il apprécie particulièrement le Off. Fait que c'est une chronique qui porte sur le Off, le festival, les différentes performances qu'on y retrouve. Génial. Et on suit sur la même lignée du Off Festival avec le 8e Off Festival de Poésie Trois-Rivières. Et le titre qu'a trouvé Mère-Christine est vraiment génial, c'est « Sauf une fois au Off ». Oui, mais il peut tout arriver au Off Festival de Poésie, mais dans le fond, cet article-là, c'est une couverture du premier, parce que c'est sur deux fins de semaine, là. C'était la première fin de semaine du Off. Dont la soirée d'ouverture, comme un micro ouvert, là, justement, avec... ce qu'on dirait un open mic d'habitude, mais Jean-François Veilleux aimerait pas ça. Voilà, c'est ça. Un micro et aussi le gala de littérature qui avait lieu le samedi soir du premier week-end. C'est une bonne idée. La lutte en littérature, c'est une excellente idée. Pour vrai, c'est cool. Ensuite, on passe à l'autre chronique de cette même section à spectacle, qui est celle de Camille Durand-Plourde, Mange-Li M, c'est l'univers éclaté de Samuel Sénécal. Oui, Samuel Sénécal qui, là, je veux pas me tromper et je veux pas dire n'importe quoi, mais oui, c'est ça, étudiant à la maîtrise en études littéraires et création, ici. À l'UQTR. Oui. On le confirme. On le confirme, mais est-ce pas que c'est votre 100%. Dernière réponse? Non. Non, d'accord. On va dire que c'est un étudiant en général, puis ça va faire l'affaire. Voilà. Ouais. Et donc, c'est un jeune auteur, et son premier roman est paru en 2002. Et là, il récidive avec un deuxième texte dans lequel il critique... c'est une critique sociale et humour noir. OK. Ensuite, on reste dans les chroniques. On va à Virginia Woolf, qui est exposée par notre Alexandra Carignan National dans sa chronique La Lady bimensuelle. Mais oui, parce qu'au courant des derniers siècles, Mathieu, les femmes se sont émancipées à travers plusieurs métiers, souvent au rythme de leurs époques. Cependant, à travers l'écriture que les premières notes féministes vont se déceler, particulièrement dans le monde occidental, voilà. Cette semaine, elle présente Virginia Woolf, une écrivaine tourmentée du 20e siècle qui sera une des premières auteures modernistes. Mmh. Intéressant, intéressant. Et qui est une des premières à définir le style de roman psychologique. Ouais. Elle a eu une vie un peu... Biz. Triste et... c'est ça. Ça fit avec l'Halloween un peu. Ah oui, OK. On parle de la Ligue d'improvisation mauricienne. Ensuite, on vous propose d'aller à la rencontre des équipes 2014-15. dont fait partie notre amie Myriam Lortie. Mais je suis un peu stressée de jouer dans une nouvelle ligue, ouais. Mais en même temps, j'ai hâte. Fait que là, on appelle ça de la fébrilité, je pense. Je pense que oui, ça commence ce soir, en fait, la LIM à 20h à la Maison de la Culture. Mais justement, si vous avez envie de connaître chacune des équipes avant le match de présentation, mais vous pouvez lire le Zone Campus. Dans le fond, chaque joueur est présenté, puis un peu pourquoi chaque capitaine l'a pris, puis on a un peu la couleur. Autre que la couleur sur le T-shirt. Même si la page est en noir et blanc aussi. Mais la couleur de chaque équipe, mettons comme les bleus vont être plus interprètes, l'équipe. Bon, je fais partie. Ben oui. Mais c'est ça, c'est une présentation des équipes. Puis comme tu as dit, c'est le match showcase ce soir. Ouais. Fait que c'est deux demi-matchs, comme c'est pour présenter les équipes. Pour vraiment apprendre à les connaître plus en profondeur. Et oui, je suis stressée. Et donc, lisez l'article, rendez-vous au match et votre soirée est bien bookée. T'es stressée, toi, tu parles. Ensuite, première des grands explorateurs au cœur des montagnes suisses avec Pierre Dubois. Oui, ben en fait, tout est dit, là. Mais dans l'article, c'est dans le fond, c'était la première. Connais-tu les grands explorateurs? C'est comme une série de grands explorateurs qui font un documentaire puis qui viennent d'ailleurs le présenter au public. OK. La c'est journée cool. même. Donc, c'est ça, c'est Caroline Filion qui a assisté, puis là, elle nous fait part. Puis le premier, c'est en Suisse. En Suisse. On retourne en chronique avec Cinéma d'aujourd'hui et Louis-Étienne Villeneuve qui nous parle de La Route, La Ritournelle et de Victor Young Perez. Voilà, c'est à peu près ça. On saute par-dessus plein d'articles comme on le fait dans chaque section. Je vous rappelle qu'ils sont tous dans le journal Zone Campus. Allez le chercher sur différents présentoirs, exactement, c'est le mot qu'on cherchait. On a loisir ensuite entre art et spectacle et sport, il faut se divertir un peu. On a l'illustration de Alexandre Laramie-Zouéki. François Legault cette semaine. Ben oui, qui est derrière le petit rideau à l'église. Et on termine avec les sports, comme toujours. Commençons en hockey, début de saison, les Pats, c'est toujours parfait. Oui, mais là, ils ont eu plein de matchs préparatoires en hockey. Et là, c'était le premier match d'ouverture de la saison officielle. Mm-hmm. Et là, justement, ils sont toujours parfaits, ils remportent tous les matchs. Puis aussi, je veux souligner que Étienne Dubois, je trouve, puis ça, je l'ai dit, il me fait aimer lire les sports. Il explique quand même, bien, il rend ça intéressant. Qu'il explique bien. Mm-hmm. Ben, c'est un très grand, comment dire, communicateur, hein? C'est Étienne Dubois. Oui, mais il nous fait vivre aussi l'ambiance, puis là, il prend des tournures de phrases, fait que... Dans le fond, là, j'essaie de vendre la section sport à ceux qui lisent jamais les sports. Mais c'est vrai, puis c'est ça, voilà. Parfait. Et on salue Marie-Philippe aussi, parce que là, si on donne un compliment à l'autre... Oui, Marie-Philippe aussi, mais c'est parce que Marie-Philippe est là depuis 2 ans. Puis là, lui, je présente le nouveau journaliste. Le petit nouveau, Étienne Dubois. Cross-country, maintenant, les Patriotes s'illustrent et Stéphane Saint-Martin en remet. Oui, bien, Stéphane Saint-Martin, on avait fait un profil sur lui au dernier numéro, mais là, on en reparle encore parce que, coudonc, il est bon. il remporte tout. Et aussi, il a été nommé l'athlète canadien de la semaine. OK. Fait que c'est quand même pas rien. Ouais, félicitations. Ce n'est pas tous les jours qu'on est l'athlète canadien de la semaine. Mm-hmm. Est-ce que c'est déjà tout pour les sports? Je voulais dire que dans le fond, la saison de golf aussi est terminée, puis que l'équipe de golf a pris le 9e échelon sur 12 universités au classement général. Puis il y a Mathieu Goyette, l'entraîneur adjoint, qui disait, bon, à chaque année, on souhaite terminer dans le top 4. Puis avec le nombre de recrues qu'il y avait cette année, il s'attendait à avoir une saison un peu plus creuse. Mais il dit que c'est quand même prometteur pour les prochaines saisons. Donc, un petit bilan de la saison de golf des Patriotes. Génial. Il y a aussi le soccer et un paquet d'autres affaires dans le journal, version papier. Badminton aussi, il y a eu le premier tournoi. Natation. En fait, semaine prochaine, il y a un championnat de cross-country à Grand-Mère. On va couvrir ça pour vous. Génial. On le couvre aux 2 semaines dans le journal Zone Campus qu'on retrouve dans les présentoirs sur le campus de l'UQTR, dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Sur la une, encore une fois, c'est le festival et le off-festival de poésie de Trois-Rivières. C'est le numéro 4 de l'année. Quand la ville devient poète. Merci Myriam Lortie. Merci à vous. Bon matin, bonne semaine. Bonne semaine. Elle était ton alarme encore. Hein, c'est l'alarme. Hein? Elle joue plus en ce moment. Non, mon alarme. J'étais habituée à le jouer tout le long quand j'étais comme rendu habitué. T'sais. Là, ça manque, je trouve. Voilà. Je vais aller me réveiller. Puis. Tu devrais te mettre la petite chanson, disons le campus, genre comme alarme. Ça sonne bien, ça? Ça me fait très bien, les journées. stressant un peu. Merci, Myriam. Merci, Assemblage Requis. Go, Assemblage Requis. Assemblage Requis. OK. Au retour de la pause, on va être rendu à ta chronique Sa plus simple expression, ça. Ben oui. Que dire de plus? Que dire de plus? Mais avant ça, on a parlé de Clément Jacques tantôt, donc le voici avec Dans nos cœurs. Jacques est dans nos cœurs à Assemblage Requis. Au retour, on a deux autres chroniques à faire. Plus tard, une grosse pointe en dresse. Tu sais, ça va être bon dans la bouche, mais avant ça, sa plus simple expression. C'est au retour à Assemblage Requis. C'est fou. 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Stéphanie Paradis, son nom? Mathieu Plante, c'est lui. Oh, oh, oh, mais hein? On est à une vingtaine, peut-être plus ou moins deux minutes, d'une grosse pointe d'adresse. Elle nous attend, elle nous regarde. On va faire quelque chose en attendant, de plate, c'est ça? Pour s'occuper l'esprit, non, non, non, non. Pour s'occuper l'esprit un peu avant de manger, il faut remplir notre corps et notre tête. Oui, oui. Si on veut, c'est ce qu'on fait à Assemblage Requis. Alors, voici sa plus simple expression. Sa plus simple expression avec moi. Avec c'est moi. Moi, Stéphanie Paradis. Moi,

À 13h, je vais être de retour pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. À 15h, c'est rock classique. À 19h, réanimation. 21h, progression chaotique. C'est fou.ca pour la programmation complète et assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados de diffusion. Merci Steph. Merci Mathieu. Merci à Charles-Antoine Rioux. Merci à Myriam Lortie. Et Sébastien Garde. Sébastien. À demain. À demain. À demain matin.